Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous proposons cette semaine de redécouvrir la série d'émissions sur l'attente. Initialement diffusée en décembre 2018, aujourd'hui, En attendant Godot de Samuel Beckett. Mesdames et messieurs, voici en exclusivité la voix de Samuel Beckett en 1959, lors de la remise du prix Italia qui récompense chaque année une création radiophonique. Et cette année-là, la pièce récompensée fut Embers, de Beckett donc, que voici, sans plus attendre. C'est un grand honneur pour moi d'avoir été récompensé par le prix Italia pour ma pièce pour la radio Embers. Généralement, je n'écris pas pour la radio. Mais je pense que c'est un médium qui n'a pas encore été complètement exploité et qu'il y a de grandes possibilités pour les auteurs dans cette forme d'expression. Bonjour Bruno Clément. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci de me recevoir. Vous êtes professeur émérite au département littérature de l'université Paris 8, ancien président du Collège international de philosophie. Votre dernier ouvrage, paru aux presses universitaires de Vincennes, s'appelle Beckett. Donc il nous donne une idée sur le contenu. Et c'est avec vous que nous allons parler de cette pièce En attendant Godot, dans le cadre de cette série d'émissions sur l'attente. Et il est vrai qu'au-delà du titre, de l'attente, il est beaucoup question dans cette pièce, n'est-ce pas ? Il est beaucoup question dans cette pièce, c'est certain. Mais j'ai presque envie d'ajouter aussitôt, presque que dans cette pièce. Parce que le thème de l'attente... Je ne dis pas qu'il est inexistant dans le reste de l'œuvre, mais il n'est jamais pris à bras-le-corps comme il est pris dans cette pièce-là. Et si on le retrouve vers la fin, dans les œuvres de la fin, par exemple, c'est sous une forme, à mon avis, très différente et qui, curieusement, n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'elle est dans cette pièce, En attendant Godot. Mais si vous voulez bien que je dise un tout petit mot d'introduction. J'ai entendu votre émission d'hier et j'ai beaucoup apprécié Sur Yankelevitch, ce qu'a dit Laure Barrias. C'était vraiment une belle émission. Mais il faut prévenir les auditeurs qu'on parle aujourd'hui de littérature. Hier, on parlait de philosophie. Forcément, on va parler sur un ton différent et avec des perspectives différentes. Oh oui, les philosophes, c'est pour aussi placer un petit peu les hypothèses que je voudrais avancer aujourd'hui. En philosophie, on est tenu à avoir le plus possible un discours univoque, de façon à ne pas prêter à confusion et à dire une chose qui ne peut pas s'interpréter de mille façons. Alors que la littérature, elle fait profession d'équivocité, elle joue l'équivoque, elle travaille l'équivoque, elle espère quelque chose de l'équivoque. Et dans Beckett particulièrement, ça se voit. Quand on parle de l'attente, on ne parle pas seulement de l'attente. Voilà, c'est ça que je voulais dire pour commencer. Il y a forcément des enjeux poétiques, c'est-à-dire de fabrication des textes et fabrication des objets, qui sont liés à attente, au mot attente. Voilà, on va parler de ça aujourd'hui, entre autres. Mais je voulais faire cette petite mise au point sur littérature philo. Vous dites que c'est presque la seule pièce de Beckett où il est question d'attente. Si on a en tête fin de partie, Oh les beaux jours, par exemple, pour ne citer que ces deux autres pièces de théâtre et rester dans le théâtre, ce sont quand même des personnages qui ne bougent pas beaucoup, qui ne savent pas comment occuper le temps qui leur est imparti. Oui. Ça peut être une définition de l'attente. Oui, quelle différence alors entre ces pièces et celles-ci? C'est que dans Godot, l'attente, elle a un nom. On attend Godot. Les personnages sont capables de dire ce mot, de le répéter, de le dire plusieurs fois. Alors que dans les autres pièces, ils sont immobiles, ils ne savent pas exactement nommer ce qu'ils attendent, s'ils attendent quelque chose. En tout cas, je ne pense pas, je ne me rappelle pas que le mot « attendre » ou « attendre » figure. Il figure à nouveau dans les pièces de la toute fin de la carrière de Beckett, qui sont des pièces magnifiques d'ailleurs, mais pour la télévision, des pièces avec images. Par exemple, une pièce comme « But the clouds »,« Que nuages » en français. Le protagoniste attend désespérément, et il dit qu'il attend, l'apparition d'un visage qui ne vient pas, mais qui parfois quand même vient. Et ça, c'est la différence avec Godot. La pièce En attendant Godot est écrite entre octobre 1948 et janvier 1949. Au moment où elle est jouée, alors elle est publiée en 1952, mise en scène, la première mise en scène en janvier 1953, était par Roger Blin au Théâtre de Babylone. Qui joue d'ailleurs. Qui joue. et on entendra plus tard quelque chose qui est en rapport avec Roger Blin, mais c'est au moment où cette pièce est jouée que Beckett devient connu du public. Avant cela, personne ne le connaissait. Non, alors qu'il est déjà... C'est pas un jeune homme, il a 40, 45, 46 ans, quelque chose comme ça, et il a déjà écrit beaucoup, il a déjà écrit énormément. C'est sa première pièce en français. Je considère que c'est vraiment important que cette pièce soit écrite en français, parce qu'on est à un moment où Beckett essaye des choses, essaye des recettes, il est à la recherche d'une formule qui... Bien sûr, il ne trouvera jamais, mais l'adoption du français fait partie... Il est irlandais d'origine. Alors oui, il est né britannique, c'est-à-dire avant l'indépendance de l'Irlande, puis il est irlandais, et il est resté irlandais. Il n'a jamais, bien qu'il ait vécu en France presque toute sa vie, il n'a jamais voulu demander la nationalité française, et il allait tous les ans demander à la préfecture une régularisation de sa situation comme étranger. Mais il décide d'écrire en français pour, dit-il, malmener une langue étrangère pour arriver à écrire mal, c'est ce qu'il dit. Ouais. Alors, je corrige un tout petit peu, il ne décide pas d'écrire en français, il décide d'écrire aussi en français. Il n'a jamais abandonné l'anglais, il a toujours mené les deux de front, et une des hypothèses que je défends, par ailleurs, c'est pas le thème de l'attente aujourd'hui, c'est que le bilinguisme de l'œuvre, pas de l'homme, c'est une des réponses poétiques aux problèmes esthétiques qu'il se pose, mais qu'il se pose très très tôt, bien avant En attendant Godot. Mais vous avez raison, quand il adopte la langue étrangère, c'est pour malmener la langue. Je crois qu'il emploie ce mot. C'était une citation, en voici une autre. « Cela devient de plus en plus difficile pour moi, pour ne pas dire absurde, d'écrire en bon anglais. De plus en plus, ma propre langue m'apparaît comme un voile qu'il faut déchirer en deux pour parvenir aux choses qui se cachent derrière. » C'est un travail quasiment artisanal ici d'une langue qu'il faut déchirer avec les mains. Sans plus attendre, le début d'En attendant Godot, Bruno Clément. Une route à la campagne avec un arbre, le soir. Estragon, assis sur une pierre, essaie d'enlever sa chaussure. Il s'y acharne des deux mains. Il s'arrête à bout de force, se repose, recommence. Rien à faire. Je commence à le croire. J'ai longtemps résisté à cette pensée en me disant « Vladimir, sois raisonnable. Tu n'as pas encore tout essayé. » Et je reprenais le combat. Alors, te revoilà, toi. Tu crois ? Je suis content de te revoir. Tu croyais parti pour toujours ? Moi aussi. Que faire pour fêter cette réunion ? Lève-toi que je t'embrasse. Tout à l'heure, tout à l'heure. Peut-on savoir où monsieur a passé la nuit ? Dans un fossé. Un fossé ? Où ça ? Par là. Et on ne t'a pas battu ? Si, pas trop. Toujours les mêmes ? Les mêmes ? Je ne sais pas. Bruno Clément, on ne sait pas qui est Godot, on ne sait pas ce qu'attendent ces personnages, mais l'on sait dès le début du texte que ces deux personnages, Vladimir d'un côté et Estragon de l'autre, se retrouvent. Et ça, on ne le dit pas assez, que le texte s'ouvre avec des retrouvailles. Oui, on ne dit pas... c'est vrai, ce sont des retrouvailles auxquelles on assiste deux fois, puisqu'il y a deux actes qui sont semblables mais pas semblables. On ne dit peut-être pas non plus... assez que la première réplique qu'on vient d'entendre, comme je disais tout à l'heure, je parlais d'équivoque, cette première réplique est à double sens. Rien à faire. Rien à faire. Elle est à double sens. Rien à faire, je n'arriverai pas à retirer cette chaussure. Mais en même temps, c'est le fil de toute la pièce. Il n'y a rien à faire. Et Vladimir répond sur le deuxième sens et non pas sur le premier, sur la chaussure. Il répond sur le thème de « oui, je commence à croire qu'effectivement, il n'y a rien à faire ». Donc on est bel et bien, dès cette réplique, on a l'indice que Beckett travaille dans l'équivoque. À la fois quelque chose qui est de l'ordre du trivial, la godasse qui ne veut pas se retirer. Qui va revenir tout au long du texte. Qui va revenir tout au long du texte et qui a sans doute quelque chose à voir avec Godot, godasse Godot, puisque ça c'est une piste que Beckett aurait donnée. Moi je la trouve assez vraisemblable, en tout cas assez stimulante. Donc d'une part ce trivial, et puis d'autre part cette dimension qu'on ne qu'on n'arrive jamais à éliminer complètement, de cette pièce en tout cas, c'est-à-dire une préoccupation existentielle, un peu métaphysique. Rien à faire sur cette terre, rien à faire ici, qu'est-ce qu'on fout là ? C'est ça, parce que vous avez pris soin en début d'émission de distinguer l'approche philosophique de l'approche littéraire. Or, lorsqu'on lit ce texte de Beckett, comme pratiquement chaque texte de Beckett, on est face à un constat existentiel qui est hautement philosophique, j'ose le terme, à savoir qu'il y a un parti pris, une vision du monde. Chez Beckett, ces personnages commencent en disant qu'il n'y a plus rien à faire. Il y a une forme d'impuissance à l'action. Alors la question se pose de savoir ce qu'ils vont faire pendant 2 heures s'ils ne peuvent pas agir. Et c'est vraiment ça, cette question que pose la pièce. Alors, vous aviez bien fait tout à l'heure de citer la petite phrase dans laquelle Beckett dit qu'il veut malmener la langue. Et je pense qu'il est effectivement à une époque où il s'agit de malmener ce qui existe en littérature pour essayer de faire quelque chose de nouveau. Alors, au risque de paraître un peu paradoxal, je dirais choisir pour une pièce de théâtre le thème de l'attente, c'est un peu aller dans ce sens-là. Bien sûr, c'est impossible de dire qu'il n'y a aucune dimension existentielle dans la pièce, je ne le prétendrai pas. Mais je voudrais au moins donner l'idée que l'attente est la manière idéale pour un dramaturge qui est dans la disposition d'esprit de Beckett à cette époque-là pour défaire ce qui existe. Qu'est-ce que c'est une pièce de théâtre ? C'est un drame. Un drame, c'est une action. Annoncer dès le début qu'il n'y a pas d'action, ça signifie que dans la tradition théâtrale occidentale, on va être pendant toute la pièce complètement en porte-à-faux. Et donc, faut mettre ce rien à faire ou cette absence totale d'action. Il y a quelqu'un qui dit à un certain moment, je crois que c'est Vladimir, il dit en attendant, il ne se passe rien. Ça, c'est une phrase qui résume bien l'idée que je voudrais faire passer là maintenant, c'est-à-dire s'il y a attente, alors il n'y a pas d'action. Et s'il n'y a pas d'action, on est hors du théâtre, parce que le théâtre, ça se définit d'abord comme une action. Voilà. Et donc, le thème de l'attente, à mon avis, il faut le mettre en relation avec ce que vous disiez du lieu tout à l'heure, qui est une sorte de non-lieu. C'est route à la campagne avec Carbe, c'est aussi indistinct et indifférencié. C'est la seule indication que nous avons, hein. Route seule... à la campagne avec arbre. Pas avec un arbre, comme disait le lecteur de tout à l'heure. Avec arbre. On parlera peut-être de cet arbre tout à l'heure, mais effectivement, ça pourrait être n'importe où. C'est un non-lieu. Et ce qu'on dit du temps, à un certain moment, je crois que c'est Vladimir aussi qui dit « le temps s'est arrêté », si on résume, pas de temps, pas de lieu, pas d'action, ça signifie que vraiment le théâtre en prend un gros coup. Le théâtre classique, en tout cas. Le théâtre classique que Beckett connaissait aussi bien que la philosophie classique. Sa référence, c'est souvent... Il a traduit, par exemple, les moralistes du XVIIe et du XVIIIe. Il a traduit Champfort, Beckett. Et il connaît très bien Racine, qu'il cite dans ses écrits de jeunesse comme un modèle, comme une personne qui est susceptible à la fois d'avoir un style absolument neutre, sur lequel peut se détacher quelque chose de remarquable, ce qu'il appelle une perle. Voilà. Donc, il court après ça, je pense. Après, une langue triviale, qui de temps en temps serait émaillé d'étincelles. Étincelles, c'est un mot qu'il emploie dans ce roman de jeunesse. L'écriture uniforme, horizontale, coulant sans heurts de celui qui a un style ne procure jamais la perle. Mais l'écriture de, je ne sais pas moi, Racine ou Malherbe, écriture droite, diamantée et constellée, c'est ça, est tissue d'étincelles car il y a en abondance les silex, les galets, d'humbles clichés, d'humbles lieux communs. Merci de faire cette citation, elle est absolument parfaite et pour Godot, elle est exactement ce qui convient. C'est-à-dire qu'on a des phrases d'une trivialité parfaite. Il y a encore des carottes, il n'y a plus de radis. Qu'est-ce qu'on fout ici voilà. Et puis, des moments qui sont des moments qui se détachent sur ce fond trivial, comme des moments rares, absolument délectables, en tout cas pour moi, pour l'oreille, et qui sont des moments où le langage fonctionne d'une façon complètement différente d'habitude. En voici un exemple, délectons les oreilles de nos auditeurs également. C'est une mise en scène, je précise, de Roger Blin également. C'est en 1978, comme l'extrait que nous avons entendu tout à l'heure. Vous l'aurez peut-être reconnu, Estragon est joué par Jean-Paul Roussillon et Vladimir par... Michel Aumont. Allons-nous-en. On ne peut pas. Pourquoi ? On attend Godot. C'est vrai. Tu es sûr que c'est ici ? Quoi ? Qu'il faut attendre. Il a dit devant l'arbre. Tu en vois d'autres? Qu'est-ce que c'est? On dirait un saule. Où sont les feuilles? Il doit être mort. Fini les pleurs. À moins que ce ne soit pas la saison. Ce ne serait pas plutôt un arbrisseau? Un arbuste? Un arbrisseau. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Qu'on s'est trompé d'endroit? Il devrait être là. Il n'y a pas d'y ferme qui viendrait. Et s'il ne vient pas? Nous reviendrons demain. Et puis après-demain. Peut-être. Et ainsi de suite. C'est-à-dire? Jusqu'à ce qu'il vienne. Tu es impitoyable. Nous sommes déjà venus hier. Ah non, là tu te gourres. Qu'est-ce que nous avons fait hier? Ce que nous avons fait hier? Oui. Ma foi... Pour jeter le doute à toi, le pompon. Pour moi, nous étions ici. Bah, l'endroit te semble familier. Je ne dis pas ça. Et alors? Ça n'empêche pas. Bah, tout de même, cet arbre, cette tourbière... Tu es sûr que c'était ce soir? Quoi? Qu'il fallait attendre... Il a dit samedi. Il me semble. Après le turban. J'ai dû le noter. Mais quel samedi? Et sommes-nous samedi? Ne serait-on pas plutôt dimanche, ou lundi, ou vendredi? Ça n'est pas possible. Ou jeudi? Comment faire? S'il s'est dérangé pour rien hier soir, tu penses bien qu'il ne viendra pas aujourd'hui. Mais tu dis que nous sommes venus hier soir. Je peux me tromper. Taisons-nous un peu. Tu veux? Je veux bien. Mais nous, on va continuer à parler, Bruno Clément. On attend Godot ce matin sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie, un extrait de cette pièce de Beckett. En fait, parce que Beckett dépouille le temps de tous ses attributs habituels. Le passé, on ne s'en souvient pas. Le futur n'existe pas. Le présent est incertain. Le jour de la semaine, on ne le connaît pas. Et bien finalement, c'est en faisant cela qu'il donne à l'attente toute sa force. Que reste-t-il du temps si ce n'est simplement l'attente d'on ne sait quoi? Bruno Clément. Oui, ça reste l'attente d'on ne sait quoi, c'est vrai, mais surtout c'est une attente qui est presque sans tension. On n'est pas tendu vers Godot, simplement on meuble le temps, qui en fait effectivement quasi suspendu, on le meuble par des banalités, par des jeux sans importance, par... des remarques qui ne sont pas là pour leur contenu, mais simplement pour s'ajouter les unes aux autres. Alors, sur cet extrait qu'on vient d'entendre, sur le début de l'extrait, c'est-à-dire la première fois qu'on entend « Allons-nous-en, on ne peut pas, pourquoi, on attend Godot, c'est vrai ». Donc, la première remarque que je veux faire, c'est que c'est ça qui justifie qu'on ne fasse rien. C'est parce qu'on attend qu'on ne peut pas faire quelque chose. On ne peut pas agir. On ne peut pas agir. Voilà. Non, on ne peut rien faire. Pourquoi? Parce qu'on attend. Donc, l'impossibilité d'action est justifiée par le fait qu'on attend. Et l'attente est justifiée par rien d'autre qu'elle-même. Premièrement. Deuxièmement, comme on le disait tout à l'heure, cette petite cellule qui se répète à l'identique au moins 5 fois et avec des variations à peu près 8 fois, je crois, dans la pièce. C'est-à-dire que, à la fois, elle est triviale dans ce qu'elle dit. Mais non, on peut pas s'en aller, on attend. Ah oui, c'est vrai. Et c'est dit, en général, sur le ton qui convient, comme c'était là dans l'extrait que vous avez donné, trivialement. Mais en même temps, c'est un motif musical. C'est un leitmotiv. Ça revient, et au bout d'un certain temps, quand on l'a entendu 2 fois ou 3 fois, on attend que ça revienne. C'est-à-dire que ça joue un rôle esthétique. Comique aussi. Ça joue un rôle comique, absolument, absolument. Ça joue un rôle comique et poétique. Alors, poétique, pas dans le sens romantique, c'est poétique, c'est romantique, ça fait pleurer, c'est nostalgique, mais dans le sens d'une volonté de réformer l'outil d'expression. Voilà. Et c'est un des exemples, il y en a d'autres dans la pièce, par exemple, celui dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure, sur les feuilles, c'était pas celui-là, mais... Si, c'est ça, l'arbre, l'arbrisseau... L'arbrisseau, l'arbuste, ou alors les feuilles, Qui murmurent, ils ne se mettent pas d'accord sur chuchotent. Le terme. Pardon. Oui, c'est ça. Et au fond, on ne se met pas d'accord sur le terme, et on ne trouve jamais le bon terme. Le terme n'est jamais le bon. Si vous faites le rapprochement avec le nom de Godot, tantôt c'est Godot, Pozzo dit Godin, Godet... À un moment, Estragon dit Bozzo, Godzo, j'ai connu quelqu'un qui s'appelait Godzo. Donc, il y a une variation aussi sur le nom de Godot qui est du même ordre et qui, en fait, j'aurais tendance à dire, qui est la même. C'est-à-dire aussi bien sur le nom de l'attente, Godot, qui est varié infiniment, Et je ne parle pas de God qui n'arrive jamais, mais c'est varié aussi par Godas, par Godillot. Eh bien, on est dans le même cas que dans les arbrisseaux, les feuilles, le murmure qui chuchote, qui murmure, etc. C'est le même principe. C'est-à-dire, le langage fonctionne dans ces cas-là comme la recherche du langage. Enfin, voilà. Et donc, pas du tout comme un instrument de communication, comme un instrument neutre et qui permet que la pensée avance, circule ou que l'information se fasse, parce qu'elle ne se fait pas. On va arriver à parler du monologue de Lucky, qui est de ce point de vue-là absolument exemplaire. On va y venir dans un instant, parce qu'en effet, Vladimir et Estragon sont rejoints, à un moment dans la pièce, quand même, par deux autres personnages, Lucky et Pozzo. Voilà. Avant d'en arriver là, si je reprends ce que vous venez de dire, Bruno Clément, depuis le début de l'émission, hein, et même si on lit la pièce, donc un temps désarticulé, il n'y a pas vraiment de passé, il n'y a pas de futur, une attente sans doute vaine. En tout cas, on oublie le sujet de l'attente et on oublie qu'on est en train d'attendre et la recherche du mot juste n'est jamais complètement satisfaite. On est en plein ce que l'on pourrait appeler en plein absurde. Or, c'est un terme que Beckett ne reprend pas à son compte. Parler de théâtre de l'absurde à propos de Beckett, c'est un contresens, en tout cas c'est faux. J'irai pas jusqu'à dire c'est faux, c'est un contresens. C'était l'époque, donc c'est difficile de ne pas faire de rapprochement. Ce que j'ai l'habitude de dire, que je veux dire vraiment très rapidement, c'est que si on n'adjoint à tout ce qu'on vient d'entendre et à tout ce qu'on est en train d'essayer de dire le terme d'absurde, on réduit les choses. C'est-à-dire que on s'empêche de voir tout ce qu'il y a d'inquiet formellement, de nouveau poétiquement, dans le travail que Beckett fait. Beckett a beaucoup travaillé une pièce comme celle-là. Elle a l'air de n'être pas travaillée, mais elle est extrêmement travaillée. Or, si on dit, il met simplement en scène l'absurdité de la condition humaine, tout le travail sur le langage qui est fait là, toute l'aventure des deux langues, des deux actes, des deux personnages, tout marche par deux, et souvent des deux mots, bruissement, chuchotement, etc. Tout ça, on passe à côté. Et c'est dommage, parce que Beckett, c'est aussi un inventeur. Et un plasticien, je dirais. Il l'est devenu, en tout cas, avec le temps. Mais peut-être que sa force est de mettre en scène cet absurde qu'il est si difficile de nommer. Rien n'est plus difficile que de mettre en scène l'absurde, au sens où, par exemple, Camus l'entend. Parce que quelques années auparavant, avant l'écriture d'En attendant Godot, paraît le mythe de Sisyphe, dans lequel Camus explique ce que c'est que l'absurde selon lui. Il dit un monde qu'on peut expliquer même avec de mauvaises raisons est un monde familier. Au contraire, dans un univers soudain privé d'illusions et de lumière, l'homme se sent étranger. Cet exil est sans recours puisqu'il est privé des souvenirs d'une partie perdue ou de l'espoir d'une terre promise. Ce divorce entre l'homme et sa vie, l'acteur et son décor, c'est proprement le sentiment de l'absurdité. Ça pourrait être une description de la pièce, Bruno Clément. Partiel, je trouve, partiel, parce que sur la condition humaine, le fait de se sentir étranger, par exemple, la pièce n'est pas flagrante, ça n'illustre pas ce thème à la perfection, je trouve. Alors oui, le fait d'être étranger à son décor, ça c'est vrai. En même temps, faut pas jouer non plus trop sur les mots. Quand Camus dit ça, il veut dire l'homme sur la terre, dans son environnement. Alors que là, on parle d'un personnage de théâtre qui normalement est dans une pièce et dans un lieu, dans la tradition classique. Il est dans un endroit qu'il connaît, s'attendant à rencontrer des personnages qu'il a des chances de rencontrer. Alors là, de ce point de vue-là, il y a effectivement un divorce ou un écart entre ce que vivent les personnages au jour le jour et même heure par heure et ce qui les entoure. C'est vrai. Donc, en quoi ils ne se reconnaissent pas? Pratiquement pas. C'était peut-être là, mais c'est pas sûr. Il est intéressant de pointer le contexte intellectuel de l'époque où s'est écrite la pièce, sans forcément la surinterpréter. D'ailleurs, quand on invitait Beckett à le faire, et même à interpréter la pièce, il coupait court à cette demande et ne refusait d'y répondre. Écoutez la lettre qu'il écrit à Michel Pollack. C'était en janvier 1952. Et dans cette pièce, il explique comment lui-même, bien incapable de donner les raisons de l'écriture, d'En attendant Godot. Nous allons demander à Roger Blin de bien vouloir nous lire le texte que Samuel Beckett nous a envoyé pour cette émission. Vous me demandez mes idées sur En attendant Godot, dont vous me faites l'honneur de donner des extraits au club d'essai, et en même temps, mes idées sur le théâtre. Je n'ai pas d'idées sur le théâtre. Je n'y connais rien. Je n'y vais pas. C'est admissible. Ce qu'il est sans doute moins, c'est d'abord, dans ces conditions, d'écrire une pièce, et ensuite, l'ayant fait, de ne pas avoir d'idées sur elle non plus. C'est malheureusement mon cas. Il n'est pas donné à tous de pouvoir passer du monde qui s'ouvre sous la page à celui des profits et pertes et retours imperturbables comme entre le turbin et le café du commerce. Je ne sais pas plus sur cette pièce que celui qui arrive à la lire avec attention. Je ne sais pas dans quel esprit je l'ai écrit. Je ne sais pas plus sur les personnages que ce qu'ils disent, ce qu'ils font et ce qui leur arrive. De leur aspect, j'ai dû indiquer le peu que j'ai pu entrevoir. Les chapeaux melons, par exemple. Je ne sais pas qui est Godot. Je ne sais même pas, surtout pas, s'il existe. Et je ne sais pas s'ils y croient ou non, les deux qui l'attendent. Les deux autres qui passent vers la fin de chacun des deux actes, ce doit être pour rompre la monotonie. Tout ce que j'ai pu savoir, je l'ai montré. Ce n'est pas beaucoup, mais ça me suffit, et largement. Je dirais même que je me serais contenté de moins. Quant à vouloir trouver à tout cela un sens plus large et plus élevé, à emporter après le spectacle avec le programme et les Esquimaux, je suis incapable d'en voir l'intérêt. Mais ce doit être possible. Je n'y suis plus, et je n'y serai plus jamais. Estragon, Vladimir, Pozzo, Lucky, leur temps et leur espace, je n'ai pu les connaître un peu que très loin du besoin de comprendre. Ils vous doivent des comptes, peut-être, qu'ils se débrouillent, sans moi. Eux et moi, nous sommes quittes. Je ne sais pas si ça se fait encore des auteurs qui écrivent directement aux émissions de radio. Alors là, c'était Michel Pollack dans l'émission Entrée des auteurs en 52. Et donc, c'est Roger Blin, de nouveau, qui lit cette lettre magnifique, Bruno Clément. Vraiment magnifique. Absolument irremplaçable. C'est une bénédiction qu'elle existe. Beckett a, comme vous le savez, a très peu commenté son propre travail, si ce n'est parfois dans des lettres qui sont restées longtemps inédites. Mais ça, c'est une rareté. Et il faut revenir toujours à ce texte, parce que mon sentiment est que la première phrase, par exemple, vous me demandez des idées, et donc il se récuse entièrement sur la question des idées, je n'ai pas d'idées, je ne veux pas donner d'idées, je ne veux pas exprimer d'idées, j'ai fait tout ça loin du désir de comprendre. Voilà. On revient au tout début de l'émission où je disais, on n'est pas dans la philosophie, dans l'intention de signifier quelque chose. À un certain moment, les personnages disent, voilà, ce qui peut donner du grain, apporter de l'eau au moulin des absurdistes. À un certain moment, les personnages disent, tout ça, ça devient vraiment insignifiant. Et le deuxième personnage, je crois que c'est Vladimir, qui dit, pas encore assez. De l'air de dire, c'est interprété d'habitude comme une proclamation, justement, absurdiste. Rien n'a de sens, il faut que ça soit totalement insignifiant. Je fais une lecture un peu différente. C'est-à-dire que je ne l'interprète pas ça philosophiquement, mais, si j'ose avancer ce mot à ce propos, esthétiquement. Dans la lettre que vous avez citée tout à l'heure, si on la poursuit un peu, Beckett fait la comparaison du travail des poètes et des écrivains, des romanciers ou des dramaturges comme lui, enfin des gens qui ont quelque chose à voir avec le langage, il fait la comparaison avec les musiciens et avec les peintres. Il dit pourquoi on ne peut pas faire en littérature ce que font les peintres ou ce que font les musiciens. Ils emploient une couleur ou une forme, elle n'a pas de signification, sauf celle qu'on leur donne dans le tableau. Une note de musique n'a pas de signification en elle-même. Pourquoi nous, on est condamnés au sens? Et donc, il essaye de... C'est ça la littérature du non-mot. Il forge cette expression à ce moment-là. Il dit ce qu'il faudrait, c'est une littérature du non-mot. C'est après cela que j'aspire. Alors je pense que la volonté d'être insignifiant, c'est pas une volonté de signifier que rien ne signifie. C'est une volonté de faire coïncider le plus possible le langage avec quelque chose qui ne lui ressemble pas, c'est-à-dire la peinture ou la musique. Et c'est ça, si on n'est pas encore assez insignifiant, ça veut dire qu'il y a encore trop de sens qui est attaché aux mots. Là, on est tout près de Lucky quand même. Lucky, le personnage qui rejoint Vladimir et Estragon et qui est l'auteur, enfin l'auteur, le proclamateur, le proférateur d'un monologue qui dans le texte fait 5 pages, elle écoute 5 minutes, on va pas entendre 5 minutes, mais écoutez au moins les premières secondes, voire la première minute. Il faut préciser pour les auditeurs que Lucky est un personnage qui n'a qu'une seule réplique dans toute la pièce, qui est ce monologue, qui est très long et qui est une épreuve redoutable pour les acteurs, et que au deuxième acte, il réapparaît, mais il est devenu muet. Donc il y a dans la pièce, un des quatre personnages qui n'a qu'une seule réplique, si on peut appeler une réplique, qui est un monologue qui est très long, qui est celui qu'on va entendre. Interprété par Georges Riquier. Étant donné l'existence telle qu'elle jaillit des récents travaux publics de Poinçon et Wattman, d'un dieu personnel, à barbe blanche, hors du temps de l'étendue, qui du haut de sa divine apathie, sa divine atambie, sa divine aphasie, nous aime bien à quelques exceptions près, on ne sait pourquoi, mais ça viendra, et souffre, à l'instar de la divine Miranda, avec ceux qui sont, on ne sait pourquoi, mais on a le temps, dans le tourment, dans les feux, dont les feux, les flammes, pour peu que ça dure encore un peu, et qui peut en douter, mettront à la fin le feu aux poutres, à savoir, porteront l'enfer aux nus, si bleu, par moments, encore, aujourd'hui, et calme, si calme, d'un calme qui pourrait être intermittent, n'en est pas moins le bienvenu, mais n'anticipons pas, et attendu d'autre part, qu'à la suite des recherches inachevées, n'anticipons pas, des recherches inachevées, mais néanmoins couronnées par la caca-académie, d'anthropopométrie, de Berne-en-Bresse, de Testu et Connari, les établi sans autre possibilité d'erreur que celle afférente aux calculs humains, qu'à la suite des recherches inachevées de Testu et Connard, il est établi, établi, ce qui suit, à savoir, mais n'anticipons pas, on ne sait pourquoi, à la suite des travaux de Poinçon et Wattman, il apparaît aussi clairement, si clairement, qu'en vue des labeurs de Fartov et Belcher, inachevés, on ne sait pourquoi, de Testu et Connard, inachevés, il apparaît que l'homme, contrairement à l'opinion contraire, que l'homme embrasse de Testu et Connard, que l'homme, malgré les progrès de l'alimentation et de l'élimination des déchets, est en train de maigrir. Et en même temps, parallèlement, on ne sait pourquoi, malgré l'essor de la culture physique, de la pratique des sports, tel, tennis, de football, la course à pied et à bicyclette. Lucky va continuer à prononcer son monologue. Les autres personnages sont en train de bailler. On les entend, Bruno Clément. On va éviter d'en faire de même avec les auditeurs. Précisons que lorsqu'il prend la parole, c'est sur un ordre. L'ordre de Pozzo qui lui dit « pense ». Ah, très important. Très important. Et c'est ça qu'il prononce. Il faut absolument le rappeler. C'est-à-dire que le Pozzo propose à Vladimir Estragon un petit spectacle. Et je ne veux pas insister, tout à l'heure j'ai dit que l'attente c'était un thème qui était propre à dire quelque chose sur le théâtre, mais il y a autre chose qui est propre à dire, à proférer quelque chose sur le théâtre, c'est le monologue de Lucky qui est un spectacle dans le spectacle. Hein. C'est une petite scène, c'est à ce moment-là que les personnages disent « on se croirait au cirque, au musical, au cirque, etc. » Ils sont au spectacle. Et donc la pensée, celle de Lucky, est un spectacle maintenant, c'est-à-dire que elle... Autrefois, il y avait peut-être quelque chose dans la pensée qui était digne, qui était considérable, qui pouvait venir sur la scène, et il y avait du théâtre d'idées, il y avait du théâtre philosophique, il y avait du théâtre politique, il y avait du théâtre militant. Maintenant, ce qui reste de la pensée, c'est le personnage de Lucky. Quand on dit « pense », tout ce qui reste de la pensée, c'est la profération de ce monologue qui a l'air d'être sans queue ni tête. Et il n'y a pas effectivement une ponctuation. Il n'y a pas une ponctuation. Alors, il faut quand même aussi rappeler que, pour les auditeurs qui n'ont pas ça bien en tête, que finalement, il va faire cette tirade de pensée, pense, port, mais qu'au départ, il était question quand même que peut-être, au lieu de penser, il danse. Et il esquisse sans parole quelques pas de danse. Je ne veux pas tirer trop dans ce sens, mais c'est vrai que la proximité des deux mots « penser » et « danser », avec une possibilité pour les auditeurs de choisir entre les deux, hein, on n'est pas loin de « je danse, donc je suis » à la place de « je pense, donc je suis ». C'est-à-dire que tout ça, c'est devenu une sorte de magma absolument incompréhensible, aussi bien du point de vue de la danse, à laquelle Vladimir et Estragon assistent complètement médusés, que du point de vue du monologue. Alors, en ce qui concerne le monologue, si vous permettez, donc je vais faire quelques remarques. La première, mais vraiment très peu, je vais essayer de cerner les éléments les plus importants. La première, c'est que, vous avez entendu, on a entendu le début, ça commence par une déposition subordonnée. Étant donné les travaux qu'on attend une phrase. Alors, il y a d'abord une circonstancielle, puis ensuite, à l'intérieur de la circonstancielle, il y a une parenthèse qui s'ouvre. Bien sûr, tout ça sans ponctuation. Mais l'acteur qui disait la tirade la faisait très bien entendre cet emboîtement. Oui, je ne connaissais pas cet enregistrement, mais on entend très très bien. Alors que très souvent au théâtre, ça va très vite et on n'entend pas toujours très bien. Je pense que c'est ce que Bellecquette voulait, qu'on n'entende pas très bien, mais je ferme la parenthèse. Donc, une phrase commence et on attend qu'elle se poursuive, on attend que les incises se referment, que les parenthèses se finissent, et finalement, ça n'arrive jamais. La phrase ne se termine jamais. C'est-à-dire qu'on attend la fin de la phrase, comme les personnages attendent Godot, quelque chose devrait arriver, mais il n'y a pas de sens qui est délivré tout à la fin, il n'y a pas de conclusion, il n'y a pas de verbe principal, et tout est décevant. Voilà. Ça ne veut pas dire que le texte n'est fait que pour ça. C'est-à-dire que Beckett a pris soin de composer ça d'une façon vraiment musicale. Il y a le retour de certaines bribes, de certains mots. Il y a des variations atambies, aphasies, etc., qui se ressemblent. Et au fond, c'est l'élément musical qui l'emporte, je dirais, en tout cas pour les spectateurs, qui l'emporte sur le sens. Enfin, ça ne l'emporte pas sur le sens, car il n'y a pas de sens. Voilà. Donc on a là l'exemple d'un langage qui correspond relativement bien à l'idéal que Beckett donnait dans la lettre de 1937. C'est-à-dire un langage qui ne signifie pas, ça serait l'idéal. Évidemment, le temps d'un monologue, ça marche, mais on ne peut pas construire une œuvre entièrement comme ça. C'est pour ça que je pense que ce monologue est précieux, parce qu'il donne une indication sur les préoccupations qui étaient celles de Beckett à un certain moment. Faire du langage qui ne signifie pas, utiliser un langage mais sans signification, là on ne peut pas dire « ça ne signifie pas assez ». C'est pas encore assez insignifiant, parce que ça l'est totalement. Et ça correspond assez bien à l'idéal. Mais c'est le temps d'un monologue. Considérant d'autre part ce qui est encore plus grave qu'il ressent, ce qui est encore plus grave qu'à la lumière des expériences en cours de Steinweg et Petermann, il ressent ce qui est encore plus grave qu'il ressent, ce qui est encore plus grave à la lumière des expériences abandonnées de Steinweg et Petermann, qu'à la campagne, à la montagne et au bord de la mer et des cours et d'eau et de feu, l'air est le même et la terre, à savoir l'air et la terre. Par les grands froids, l'air et la terre, fait pour les pierres, par les grands froids, hélas, au septième de leur ère, les terres, la terre, la mer, pour les pierres, par les grands fonds, les grands froids, sur mer, sur terre et dans les airs. Avant d'avancer encore plus loin dans la lecture d'En attendant Godot, Bruno Clément, encore un mot sur ce monologue qui est vraiment central, à tout point de vue d'ailleurs, dans ce texte. Il peut évoquer celui de Sganarelle dans Don Juan, Sganarelle qui veut moquer la rationalité justement et qui essaye de faire un raisonnement et se perd complètement dans son raisonnement et ne fait plus sens. Simplement, dans la pièce Don Juan, il y a une manière délibérée d'accuser une certaine rationalité. Ici, me semble-t-il, les choses ne sont pas aussi distinctes. Parce que vous dites, il ne veut pas faire sens, il veut montrer que finalement la langue peut atteindre cette insignifiance. Mais le sens n'est pas seulement du côté de la raison, de l'argumentation et du développement philosophique. Les pièces de théâtre font sens. S'il avait voulu être absolument loin de toute forme de signification, il n'aurait jamais écrit des pièces avec un début et une fin. Peut-être faut-il nuancer cette opposition entre philosophie, littérature, sens, absence de sens. Non, il y a quelque chose qui se dit. Et l'intérêt est de voir comment Beckett essaie de dire ce qu'il souhaite dire. Vous trouvez qu'En attendant Godot, ça a une fin ? Ben oui, le texte s'arrête. Ah oui, le texte s'arrête. Mais c'est très cohérent, tout est très cohérent. Et on en parle encore aujourd'hui, ça montre bien qu'il y a quelque chose qui se dit. Le texte s'arrête, mais... Alors vous savez la boutade qu'on prête à Beckett. Pourquoi vous avez fait deux actes exactement pareils ? Ben il dit un, ça aurait quand même pas été suffisant. Et puis trois, ça aurait été trop. Alors, mais cela dit, une fois qu'on a entendu les deux actes, on imagine très bien un troisième acte qui serait à peu près semblable et un quatrième qui serait semblable aussi. Et c'est-à-dire on ne s'ennuierait pas, je crois. Et peut-être qu'on ne s'en... Peut-être, ouais. Je ne sais pas. Je vais parler de l'ennui, justement. J'ai très envie de le faire depuis tout à l'heure. Mais d'abord, je veux répondre à votre question. Et il y a beaucoup de pièces de Beckett qui ne se terminent pas réellement. Par exemple, Fin de partie est une pièce... malgré le titre, dont on aurait du mal à dire à quoi correspond la fin, à quoi correspond sa fin. Donc, je pense que le début des pièces ou les fins de pièces sont des choses qui sont travaillées par Beckett, qui se souvient d'une tradition classique, qu'il veut lui aussi mettre à mal, parce que on ne peut plus travailler comme ça. Mmh. Donc. Alors, en ce qui concerne l'ennui, c'est vrai que, vous disiez tout à l'heure, Beckett, il a eu cette première pièce, cette première expérience qui l'a rendu célèbre, alors qu'il était déjà un auteur confirmé et qu'il n'était plus un jeune homme. Mais ça s'est pas très bien passé dans les premières représentations. Vous le savez peut-être, il y a eu scandale, il y a eu bagarre dans une... Un jour, on n'a pas pu jouer le deuxième acte, les gens se battaient entre eux, ils étaient scandalisés. Alors évidemment... Il n'y a pas de vidéo de ça, on ne sait pas. J'aimerais vraiment beaucoup avoir des témoignages plus précis. Mais ce que je veux essayer de penser, c'est l'attitude d'un spectateur qui, à l'époque, se retrouve pendant 2 heures devant 2 personnages qui disent « C'est terrible, il ne se passe rien. Tu t'ennuies ?»« Ben oui, c'est pas folichant, dit Vladimir. » Et le spectateur doit se dire « Ben oui. » Moi aussi. On s'ennuie, moi aussi. C'est-à-dire que... C'est ça le sujet de la pièce, c'est non? Ça le sujet. Alors, c'est l'attente du spectateur. Voilà. C'est une des manières, en tout cas, de la lire, et moi, elle me convainc. C'est-à-dire que l'idéal classique, on revient encore à l'idéal classique, était d'accumuler un certain nombre de règles, pas du tout pour le plaisir des règles, mais pour ce qu'on appelait à l'époque la vraisemblance. Qu'est-ce que c'était la vraisemblance? C'était le principe qui... tendait à faire se rapprocher le plus possible le monde du spectateur et le monde de la fiction sur la scène. C'est-à-dire, pas une action qui dure des mois, ça dure que 2 heures. Alors en 2 heures, représentons quelque chose qui dure quelques heures, peut-être une journée, mais pas 2 mois ou 2 ans comme chez Shakespeare. Même chose pour les lieux, même chose pour les actions. Et de cette façon, le spectateur pourra... ressentir les choses comme si elles arrivaient réellement. Alors, chez Beckett, c'est la perfection absolue. Mmh. C'est-à-dire que le temps de la représentation correspond exactement au temps de l'action qui est sur la scène. Ça commence en fin d'après-midi ou en fin de journée, comme le début du spectacle, et ça se termine quand la nuit arrive, comme le spectacle aussi. C'est-à-dire qu'on est en plan séquence, si on veut, en temps réel. Et le spectateur, ça, le temps lui dure exactement comme aux 2 personnages. Même chose pour le lieu. Tout à l'heure, dans l'extrait qu'on a entendu, il était question de cette tourbière. Le personnage, au moment, je crois que c'est Vladimir, au moment où il parle de la tourbière, qu'est-ce qu'il montre? Il montre... le public, et il montre la salle de théâtre. C'est-à-dire que le temps est le même pour les spectateurs et pour les personnages ou pour les acteurs, mais l'espace dans lequel ils évoluent, c'est aussi le même. Ils évoluent dans la tourbière qui est celle du public, celle du théâtre dans lequel ils sont représentés. Je pense que l'action, c'est-à-dire l'absence d'action, c'est-à-dire l'ennui, fonctionne de cette façon exactement aussi. C'est-à-dire que l'adhésion ou le rejet, dans le cas des premières représentations, ça a été un rejet, tient au fait que la vraisemblance est absolument parfaite dans ce cas-là. Ce qui peut expliquer aussi la tendance très forte que les critiques ont eu tout de suite de tirer le texte du côté de ce qui est dit sur la scène, c'est-à-dire on s'ennuie, c'est terrible, il se passe rien, rien n'arrive, et les gens, alors que d'habitude... On dit, bon, bah, c'est seulement une fiction, c'est seulement une pièce de théâtre. Cette fois-ci, la vraisemblance au sens classique est tellement bien réussie que les gens disent, bah oui, c'est ça. Ben oui, parce qu'il n'y a pas de différence. On va souvent au théâtre justement pour ne pas s'ennuyer, pour conjurer l'ennui. Alors si on nous présente le miroir de notre propre ennui, c'est insupportable. Mais l'ennui est intéressant pour ça, parce que il me semble que c'est une réussite du point de vue de Beckett. C'est-à-dire qu'il réussit à faire en sorte qu'il y ait absolument aucune différence entre ce qui se passe sur la scène et ce que ressentent les spectateurs. C'est l'idéal du tout dramaturge. Tout le monde n'y arrive pas aussi bien. En attendant, Godot est une forme de mise en scène de notre propre attente quotidienne d'on ne sait quoi. C'est ça en fait, parce qu'on ne sait pas ce qu'on attend. Et les personnages ne savent pas, ils oublient qu'ils attendent Godot, mais ils se posent la question. Et ils essaient de conjurer cet ennui en faisant croire qu'ils attendent. En fait, ils n'attendent rien. Ils ne savent pas ce qu'ils attendent, parce qu'ils ne savent même pas toujours bien le nommer. Et quand il est question de Godot, Pozzo leur dit « Qui est-ce, Godot ?» Alors, l'un des 2 personnages dit « Ben, c'est une connaissance à nous. » Il est repris immédiatement par l'autre, par Estragon, qui dit « Mais pourquoi tu dis ça? On ne le connaît pas. » Alors, Vladimir est obligé de reconnaître que, oui, bon, on ne le connaît pas vraiment, mais disons... Et puis, la phrase se perd, il ne peut pas la terminer. Si bien que l'objet de l'attente, on est... bien en peine de le nommer, même comme il faut, et que je pense ce à quoi, en tout cas moi, j'essaye de prêter la plus grande attention, c'est la manière dont cette attente est occupée, dont elle est trompée, ou dont on essaye de la tromper. Alors, bien sûr, puisque l'objet de l'attente est valorisé, si Godot venait, on serait sauvé, dit à ce moment, à un moment Vladimir, bah, tout ce qui vient en attendant, la pièce, c'est quand même, c'est pas sur ce qui va venir, c'est sur l'attente. Tout ce qui vient en attendant est ipso facto dévalué. Parce que c'est là, faute d'autre chose qui ne viendra jamais. Et du coup, ben, tout ce qui est Lucky, tout ce qui est les carottes, tout ce qui est Pozzo, tout ce qui est le petit couplet sur le crépuscule, tout ce qui est la pendaison, tout ce qui est, tout ça. Je dis la pendaison parce que, à un certain moment, Vladimir dit non, on ne peut pas s'en aller, on attend Godot. Oui, mais d'accord, mais en attendant, dit Estragon, si on se pendait, ça serait un moyen de bander. Alors, la pendaison, vous voyez, il ne faut pas non plus l'interpréter d'une façon trop existentielle et métaphysique. C'est un moyen de passer le temps. En attendant, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Ben, on pourrait peut-être se pendre. Ça nous ferait bander. Et donc, bander, pendait. Tout à l'heure, je disais danser, penser. Il y a aussi la même volonté de la part de Beckett, je crois, qui attachait beaucoup d'importance à cette histoire de pendaison, au pantalon qui tombe quand ils essayent de mettre la corde tout en haut. Il s'est mis en colère très fort contre l'acteur qui refusait que son pantalon tombe sur la scène. Il voulait absolument que le pantalon tombe. Donc, on n'est pas dans l'angoisse métaphysique et existentielle qui étrangle, on est plutôt dans le comique et dans le jeu de mots. Bandait, pendait, et la pendaison est un moyen qui est imaginé par les personnages de passer le temps. Le texte se termine avec une question de Vladimir. Alors on y va ? Et la réponse d'Estragon, allons-y. Et on se dit que le texte est fini, mais Didascalie, l'ultime Didascalie précise bien, il ne bouge pas. Et là le rideau tombe. Le texte se termine sur une envie de partir et une impossibilité physique de suivre cette envie. Ouais. Une envie de partir ou une déclaration d'intention. Je ne sais pas si c'est un vrai désir, parce que les personnages de En attendant Godot, est-ce qu'ils ont des désirs ? Je ne suis pas sûr. Je ne l'ai jamais lu comme ça, en tout cas. En tout cas, c'est ce que dit la phrase. Peu importe que le désir soit réel ou pas, le texte termine en queue de poisson. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un paradoxe entre ce qui est dit et ce qui est fait. Oui. Et tout le texte, il y a quand même une importance très forte du corps dans ce texte. Le corps qui a mal, la chaussure, la plaie qui s'infecte, la nourriture, etc. Le paradoxe, il est très très fort entre ce qui est dit et ce qui est incarné. Les os du poulet de Pozzo que les personnages se disputent parce qu'ils ont faim. Ouais. Mais vous dites la pièce se termine comme ça. En fait, elle se termine deux fois comme ça. Les deux actes se terminent de la même façon. Ce qui me faisait dire tout à l'heure que c'est une fin très particulière. C'est une fin dont on est obligé de penser qu'elle est provisoire et qu'elle ne résout rien, contrairement à ce que voudrait la poétique classique. Une fin, c'est un dénouement, mais pour qu'il y ait un dénouement, il faut qu'il y ait un nœud. Comme il n'y a eu ni nœud ni péripétie, il ne peut pas y avoir de fin. Il faut reprendre Aristote disait qu'il faut qu'il y ait un commencement, un milieu et une fin. Chez Beckett, les trois sont complètement confondus. Et pourtant, on le lit encore 70 ans après. Il a initié une nouvelle façon de faire du théâtre, oui. À ce moment-là. Ah oui, ça je le crois vraiment. Oui, je le crois vraiment, ne serait-ce que parce qu'il a bouleversé les codes, comme je disais tout à l'heure en commençant, c'est-à-dire cette affaire de règles qui, bien sûr, n'a plus cours au moment où il écrit, mais qui est dans tous les esprits et qui est dans la tradition et qu'on respectait même à son époque, des gens comme Sartre, par exemple, qui écrivait huis clos quelques années avant ça, 4 ou 5 ans avant. C'est très étonnant de penser que huis clos, c'est écrit dans les années où Samuel Beckett écrivait En attendant Godot, à 4 ou 5 ans près. C'est deux esthétiques qui sont à des années-lumière l'une de l'autre. Oui, je crois que Beckett a vraiment inventé quelque chose, formellement, esthétiquement, et je dirais aussi dramatiquement. Dramatiquement, c'est un peu paradoxal de le prétendre parce que, comme je disais, il n'y a pas vraiment d'action, mais il y a une identification indiscutable, c'est impossible de s'en défendre. Il y a une identification indiscutable des personnages à ce qu'ils voient. Voilà. Et je ne sais pas si je peux sortir de En attendant Godot une seconde. Allez, bah, il nous reste quelques secondes, donc ce sera la fin. Cet effet d'attente, il y a eu des conséquences assez étonnantes. Des critiques qui, à l'époque, lisaient ça, comme Maurice Blanchot, par exemple, lisent les romans de Beckett en disant bah, « Bien sûr, ça raconte des histoires, mais on n'y croit pas, parce que finalement, pour nous, c'est pas... on attend quelque chose de bien plus important. » C'est-à-dire que il lit Malone comme si c'était Godot. Beckett a créé une sorte de stéréotype de l'attente, semblant signifier tout ce que vous voyez là, c'est pas très important. Ce qui serait important, c'est Godot, mais il ne vient pas. Mmh. Et du coup, quelqu'un comme Blanchot, qui est quand même assez averti, qui est quand même assez vigilant, qui est quand même assez cultivé, plus que cultivé, il lit Malone en disant on n'attache pas vraiment d'importance à tout ça parce que on attend quelque chose de bien plus important. Et donc, on ne lit pas le texte pour ce qu'il est. Lisons En attendant Godot pour ce qu'il est. Relisons-le. Votre livre aussi, Bruno Clément, sur Beckett, disponible aux presses universitaires de Vincennes. Merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui. Merci à vous. À bientôt. On se quitte avec Lou Reed, qui lui aussi attend un homme. I'm waiting for my man, The Velvet Underground. I'm waiting for my man. 26 dollars in my hand. Up to Lexington, 125. Feel sick and dirty, more dead than alive. I'm waiting for my man. Hey, white boy, what you doing uptown? Hey, white boy, you chasing all women around? Me, sir, it's furthest from my mind. I'm just looking forward to dear friend of mine. I'm waiting for my man. He comes, he's all dressed in black. He wears shoes and a big straw hat. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Une philosophie des règles est-elle possible ? Quand je parle de règles, entendons-nous, je parle bien des menstruations, des menstrues, des ours, des Anglais qui débarquent ou encore des ragnagnas. Les mots ne manquent d'ailleurs pas pour décrire ce fluide sanglant qui s'écoule naturellement entre les jambes des femmes chaque mois sur plusieurs jours, de manière plus ou moins abondante et douloureuse, entre la puberté et la ménopause. Les mots ne manquent pas, mais les concepts peut-être. Car si je pose la question de la possibilité de faire une philosophie des règles, c'est qu'a été réédité l'excellent livre d'Élise Thiébaut, Ceci est mon sang, petite histoire. Histoire des règles, de celles qui les ont et de ceux qui les font. Et si une telle petite histoire est possible, une petite philosophie devrait l'être tout autant. Mais si sûr, les philosophes ont-ils une position claire, voire une position tout court sur le sujet ? Aujourd'hui, on va vous raconter une histoire. Une histoire qui gronde, une histoire qui fait peur. Mais parce que le sang, c'est tabou. Les règles, c'est tabou. Celle de millions de femmes et de toute l'humanité. Celle dont on ne parle pas. Quand chuchote à peine l'histoire qui s'écoule entre nos cuisses. De toute façon, rien de ce qui concerne les femmes est abordé facilement sur la scène humoristique, d'une part, et d'autre part, rien de ce qui concerne les règles est abordé facilement nulle part. Bah, je sais que la première fois que j'ai mes règles, je me suis pris une claque par ma mère. C'est une tradition méditerranéenne, apparemment. T'es devenue une femme, voilà ce que ça fait d'être une femme, grosse claque dans la gueule, c'était bien sympa. Depuis quelques années, on a vu fleurir le nombre d'interventions sur les règles. Mobilisation, performance, festival, prévention et pédagogie sur l'endométriose et la précarité menstruelle, alerte sur la composition toxique des productions périodiques, ou encore podcasts et documentaires comme l'extrait que l'on vient d'entendre, le documentaire 28 jours diffusé sur Arte. L'opinion publique a donc vu et fait apparaître les règles comme un véritable enjeu de société et à multiples dimensions. Alors il y a d'abord la dimension mythologique des règles. Subie mais très peu nommée, naturelle mais cachée, processus de purification mais considéré comme impur, les règles sont un tabou qu'il s'agit désormais de dévoiler. Puis il y a ensuite la dimension scientifique. Si tout le monde sait que les femmes ont leurs règles, ce qu'elles sont et d'où elles viennent, le mystère, oui, persiste sur le pourquoi de leur existence et leur part de douleur insupportable. C'est le cas de l'endométriose encore trop peu diagnostiquée et prise en charge. Et il y a bien sûr la dimension politique des règles. Parce que l'ignorance et l'imagination ont occupé l'espace sur le sujet, on en a fait un argument pour justifier une inégalité de droits entre les sexes. Pensez ainsi à ces fameuses sautes d'humeur qui rendraient irrationnelles et inaptes les femmes quelques jours par mois. C'est aussi le fameux syndrome prémenstruel que Dolly Parton a elle-même chanté. Eve, you wicked woman, you done put your curse on me. Why didn't you just leave that apple hanging in the tree? You make us hate our husbands, our lovers and our boss. Why I can't even count the good friends I've already lost. 'Cause the PMS blues, PMS blues. I don't even like myself, but it's something I can't help. Got those God Almighty slap somebody. De tous ces points, il faut le dire, découle naturellement la dimension féministe des règles aujourd'hui. Et de tous ces points pourrait découler naturellement une philosophie des règles. Une philosophie qui s'étonne de cette naturalité pourtant cachée des menstruations, de cet écart entre le fait banal d'avoir ses règles et le fait d'en construire toute une mythologie parfois délirante. Qui s'étonne aussi d'une normalité qui est en fait discriminante. Qui s'étonne enfin que le terme de règles, venant de régulation mensuelle, soit le synonyme d'une dérégulation sociale et politique. Nature, culture, normalité, monstruosité, banalité extraordinaire, évidence, dissimulation, les règles se trouvent au croisement d'une foule de paradoxes. Mais on pourrait aussi parler de ce sang des règles. Déjà peu interrogé en philosophie, il l'est encore moins quand il s'agit de règles. Quel est donc ce sang qui n'est pas celui qui circule dans le corps de n'importe quel être humain? Pourquoi ne circule-t-il pas mais doit-il s'expulser? Pourquoi fait-il mal? Pourquoi a-t-il d'emblée un sens politique et pourquoi dégoûte-t-il? On pourrait alors s'étonner non pas des règles ou du sang, mais du fait aussi qu'il semble impossible de le concevoir pour lui-même. Plotin, dans ses Énéades, en parle pour le lier à la laideur. Rousseau, dans l'Émile, et même Simone de Beauvoir dans le Deuxième Sexe, parlant de l'odeur des règles comme rappelant celle des violettes fanées, ont d'emblée projeté sur elle toute une construction. Le sang des règles est-il ainsi impossible à approcher en tant que tel? Eh bien voilà une philosophie possible, celle qui s'étonne du manque d'étonnement des penseurs sur le sujet. Avant qu'une philosophie des règles voie le jour, vous pouvez lire « Petite histoire des règles » par Élise Thiébaud, « Ceci est mon sang », paru dans une nouvelle édition à La Découverte. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à Isis Jourda qui m'a préparé à aider cette émission en compagnie de Marie Simon, Sharon Houry, Anaïs Isbert, Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Jordan Fuentes qui était la prise de son aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur l'attente. Demain, nous évoquerons le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo en compagnie d'Arnaud Laster. D'ici là, pour réécouter cette émission sur Beckett, c'est très simple. Rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, avec qui vous voulez et pour une durée illimitée. Rendez-vous également sur les réseaux Twitter, Facebook et Instagram où nous attendons vos remarques et commentaires. Allez, on se retrouve demain à 10h précise, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.